dans le grand jardin de la terre. Chacun des peuples est un arbre qui chante et danse. Et tous ces arbres, dont les fleurs et les fruits sont différents, ont une racine mère qu'on peut entendre dans sa tradition folklorique. La forme la plus universelle de communication entre les peuples, celle qui rassemble tout le monde sur la place publique, c'est la tradition orale, où les vieux passent à l'oreille des jeunes les chants qui caractérisent la personnalité propre à leur pays. En Suisse, on tirole, en Afrique, on yodule, en Acadie, on noune, et au Québec, quand on veut gazouiller au pluriel, on rit la bouche, on turlute et on... À s'en ruiner les babines. Ce qui fait que le didle dans la bouche des Québécois, c'est le son de la source, c'est toute une forêt de sapins, d'épinettes et de bouleaux qui se changent en voix du pays comme une joie contagieuse. Quand on turlute, quand on dédule, c'est comme si tous les couplets et refrains de cette chanson sans parole proclamaient les noms et prénoms de tous les habitants du Québec. Dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dadly dad